ma rage me laisse enfin répit. Je peux enfin t'aimer sans me dans tes sables mouvants, j'emprunte ta douceur, un peu de ta chaleur. Je pose ma tête, te dépose mon empreinte et me repose entre tes mains. Oh Morphée, j'en ai tellement morflé. Tellement parfait, oh parfait.